Mardi 19. L'équipe, le crétin qui tape avec le pied, qu'il arrête de taper avec le pied. Je suis d'accord, déjà, il hurle, la musique est affreuse, mais il tape, ça, c'est, ça tape sur la tête. Des asticots. Oh oui, exotique star. Je ne suis pas une énervée, je ne suis pas une compliquée. Je passe mes journées à m'étirer en douce. Mais bon, la récréation est terminée, lumière. sur le trottoir, j'en ai marre. Yeah, yeah, je danse dans ma chambre et j'attends. Et j'attends. Que tu n'étais pas fait pour la plupart des choses, que tu te seras cru obligé de faire pendant toute ta vie. Pourtant, si tu savais, nous on a besoin de peu de choses pour être heureux. C'est vrai, c'est vrai. Je te jure, ça me fout les larmes aux yeux. Je suis heureux. Autres ça qui fête, mois de mai en 67. Moins Vénance, en t'es là, qui fait un petit zotza. Joue là ça, c'était quand l'habitude. Manette, Ferrier et Isabelle. Firmis et Rigobert. Manette et puis Isabelle, café zafé à yo. Isabelle à Kazaï et Manette en Mangla. Pendant si temps, la pointe ça a chauffé. Mamblo tiré à si tout le monde. Firmis, Rigobert. Quand tous les matins, Manette, Kabapoulaï manger. Kaïtouye fouillapin, cuitli et puis l'amori. Moun ton en coup de fusil. Couri pour sa ka qui fait pas côté là. Tous les jours, Isabelle qui prend de l'eau et puis chasse panay. Kahele Rigobert qui partit et puis firmis. La Isabelle rivé, Rigobert pas là. Depuis jour là, il qu'a cherché. Firmis, Rigobert. Jode là, à pas Rigobert. Non Alice, c'est Gerville. Allez, on comprend ça, c'est même vite la cafette. J'ai envie. Oh, la clé de tout reste le pardon. Nul ne pourra dicter une conduite céleste à un peuple qui a tant souffert. Déballage ne veut pas dire condamnation. Nous devons nourrir et prôner l'union sacrée de tous les enfants de la terre. Vers tous ceux qui tendent à unir tous les fils d'Adam et d'Ève. N'avez-vous pas vu que la force éternelle vous a dit, je m'appelle le Corona. J'arrive pour contredire toutes vos certitudes, car je suis l'Immaculé, l'Immaculé. Comme par hasard, le peuple censé vivre de pauvreté sont le plus épargnés. Les grandes instances scientifiques tremblent. Les pouvoirs ne savent. La chasse aux sorcières commence. Non, non, non, non, non. Pardonnez, pardonnez tout. Apprenez à faire parler l'essentiel qui est en vous, le sens du pardon. Ce cri n'est pas un cri de cœur. Il vous appelle seulement à vivre. Au-delà de vos peurs. La chute. La chute avait duré un fragment d'instant, une éternité. Un espace-temps élastique où, comme suspendu, le monde d'hier et celui d'aujourd'hui s'étaient entrecoupés. Il en restait dans l'esprit, habité par l'échec, une vision fugace, une lumière éblouissante, impossible incarné. Un autre modèle existait, une autre ville, une autre vie. Ce qui s'était passé au sommet des tours pouvait ressurgir. Le mouvement enfanté n'était pas mort. Il coulait dans les veines de ce corps meurtri, de cette humanité robotisée par un quotidien numérique. Il coulait de ce ciel qu'on avait si longtemps oublié. Une pluie régulière, dense, dansante, qui ramena l'essence au présent. La pluie, on ne l'avait sentie depuis si longtemps. Sa musique, son odeur, son goût frais, sa fraîcheur, sa couleur qui coulait sur les peaux, sur la ville, qui lavait la grisaille dans les cœurs, qui de nouveau battait vite. La peur, le pouvoir et la force avaient eu raison de l'élan et du jeu. Mais pour combien de temps? Des torrents couraient dans nos veines, habités d'une énergie neuve et d'une chaleur retrouvée. Bientôt, ils rejoindraient les torrents d'eau, qui déjà de la ville rendait l'austérité plus liquide, plus ébranlable. Mais on le savait, ce réveil individuel ne suffirait pas, car il fallait recoudre ce collectif depuis si longtemps délité et ressouder cette humanité depuis si longtemps dissoute. Ma règle, c'est ma composition, c'est ce que je veux entendre au moment où je fabrique le son. Ma règle, c'est une règle de détermination sonore. Ma règle, c'est l'oreille. C'est l'oreille. C'est une sorte de possibilité de faire entendre plusieurs sons à la fois qui se rejoignent, qui se rejoignent. Nous allons pouvoir pratiquer l'art du tuning. Quand on met des gonzesses, de la musique et du salon, c'est un miracle. Attention, attention. Avancez un peu, on va voir. Pas de casse pour des enfants géants. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire, ils sont dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Chante de la négritude. Fils immaculé de l'union sacrée des peuples sur terre. Aimez Césaire, aimez Césaire, aimez Césaire, aimez. Les hauteurs écroulée, le sol ouvert. S'est remise à creuser, à grouiller, à grignoter dans le béton inerte. De bas en haut, une végétation luxuriante monte en cascade et enveloppe les résidus du monde. De haut en bas, les lianes descendent, affranchies de la gravité. Les angles rationnels et géométriques laissent place aux fécondes et tortueuses rondeurs de la végétation. Bourgeons, feuilles, ramures, pousses, fleurs, tiges, spores, graines, boutons, pollen, pistils, sépales, la vie rejaillit. Les lianes sont autant de mains tendues pour s'élever. Mais alors, j'y vais? J'ose? Je casse les codes? Je fais le mur? Je grimpe? Je grimpe. Je grimpe. Je grimpe. Je grimpe. Je grimpe. Je grimpe. Je grimpe. Je grimpe. Je grimpe. Troisième conte, Jardin d'hiver. Au plus profond d'une ville sans nom, sous un ciel sans étoiles, se trouvait une vieille demeure que les enfants du quartier appelaient la maison interdite. ont raconté de nombreuses atrocités autour de cet endroit, dont même les plus téméraires n'osaient s'approcher. Mais de toute façon, une véritable jungle de lianes et de plantes épineuses en empêchait l'accès. La végétation y était si dense que personne ne pouvait s'imaginer que, derrière l'épaisse barrière de lierre et de ronces, se trouvait un jardin abandonné où même les rayons du soleil ne pouvaient pénétrer. C'est au milieu de ce lieu terrifiant, sur un vieil arbre mort, que vivaient trois chenilles orphelines de naissance. À l'automne approchant, les habitants du jardin, petits rongeurs et autres insectes, s'étaient réfugiés dans la maison interdite pour passer l'hiver au chaud. Mais les trois chenilles, elles, devaient s'enterrer dans le sol du jardin, dans leur cocon, comme le voulait la tradition. Ne supportant plus l'enfermement, les deux chenilles aînées décidèrent de quitter le sol macabre du jardin abandonné et de prendre leur envol, loin de cette effrayante demeure. La troisième chenille, elle, eut beau les supplier d'attendre la fin de l'hiver avec elle, les deux entêtées s'échappèrent de leur chrysalide, certaines que rien ne pourrait être pire que rester dans cet horrible endroit. Hélas, à peine avaient-elles commencé à faire battre leurs ailes fragiles que le vent glacial de l'hiver assassin les congela instantanément, les tuant sur le coup. Les journées et les semaines passèrent et la troisième chenille demeurait seule, enterrée sous le sol sans vie du jardin interdit, avec le froid et un silence lugubre pour unique compagnie. Elle se demandait si ses sœurs avaient réussi à s'envoler au-delà de l'inquiétante habitation, de ce triste lieu et du vieil arbre décrépit. Mais elle savait au fond d'elle-même qu'il n'en était rien. Et dans ces moments-là, sa tristesse n'avait d'égal que l'immense solitude qu'elle ressentait. Mais alors que l'espoir semblait s'être noyé dans un océan de ténèbres, son cocon commença à se défaire, filament par filament. L'hiver était terminé et la chenille réussit à s'extirper de sa prison de soie. Ses deux magnifiques ailes se déployèrent dans les premières lueurs d'une aube nouvelle. Elle réussit à quitter ce lieu maléfique, s'envolant vers le lointain, pendant que des enfants plus vraiment innocents s'éveillaient dans des draps imprégnés de leur peur nocturne. Et eux savaient très bien pourquoi certains contes ne commençaient pas par « Il était une fois ». J'aurais pu m'empêcher de mouvement de ta main. Je n'aurais pas commencé. Tu aurais dû me dire, reste, je te garderai. Oh pardon, tu dormais. Je te sens énervé. Parfois il me semblait que je t'aimais tellement fort que j'allais éclater en te voyant rentrer le soir. Oh pardon, oh pardon, tu dormais ce soir. Oh pardon, tu dormais. Là, on va s'engueuler. À moi courir vers toi, comme dans tous ces films. Mais j'étais à ton cou, mais je restais figé. Et oui, ça, tu le voyais. Oh pardon, tu dormais. T'as fini de m'emmerder. Mais où donc est passé cette chose lumineuse en moi? Je voulais la passion qui empêche de penser, qui empêche d'être lucide. Oh pardon, tu dormais. Je sens que c'est terminé. Je te faisais la gueule parce que t'étais rentré sans même me dire bonsoir, même pour un chien. On a des gestes. Oh pardon, oh pardon, tu dormais ce soir. N'a pas d'âge, ici finit la routine, chacun peut faire sa cuisine. Voisin, voisine d'âge, la danse passe en âge, ici chacun se vaccine, c'est de la grande médecine. C'est la valse sous étiquette, comme la grande mescle des troubadours en un jour, à polyglotte nous. Sur la voûte d'El Fuego, voisin, je devance l'eau, improvisons double dose, un tout petit code de prose. Pékin, Bessine, Gascon, Cubine, Cubaine, Monobène, tout doux va tout doux bien. Pékin, Bessine, Gascon, Cubine, Cubaine, Monobène, tout doux va tout doux bien. Balagora, des voisins noirs atypiques qui s'y frottent civique, atypiques qui s'y frottent civique, atypiques la race par le mambo, le funky psychédélice, les standards du mestre jazz, les samba mama zirka, le canto pignadas, la scotiche, les derviches passent au tango fandango, hip hop et cha cha cha, jingle jingle jungle, ram dam dam, jingle jingle jungle, jingle jingle jungle, ram dam dam. Imbalagora, nusteram dam, imbalagora, ram dam dam. tam-tam, qu'on soit des peaux douces, des peaux tendues, des guitam dam, dom dom arrive, onomatopé, patacoupa cadence, patacoupa cadence, dom dom arrive, onomatopé, patacoupa cadence, patacoupa cadence, val sans papier sur un pied d'égalité, comme écrit Joël Bousquet, survivra ce qu'on est né, pas à pas, pas à pied, au bac c'est bouge de là, que vous soyez né de ci, que vous soyez né de la base ou des élus d'Orient, d'Occident, dissident, décidé, des quartiers décidés, d'ici la revendiquer. Et plus décentralisé, car d'ici la périphérie passe à votre insupporté. Voisin, c'est l'agora, voisine aussi des foules. Dans son bal sans agora, il y a longtemps qu'il n'y a plus fou. Au car en boîte, c'est le watt qui fait monter l'audimat. Au chaubals de la vie, remonter l'appétit. En boîte, c'est le watt qui fait monter l'audimat. Au chaubals de la vie, remonter l'appétit. Voisin, sort de ta boîte, ta voisine est sur la place. Comme la rumba de Cuba. La rumba de Cuba, dam dam dam, la rumba de Cuba, dam dam dam, in Balagora, Amsterdam, dam, Balagora, dam dam dam, Balagora, Amsterdam, dam, Balagora, dam dam dam, Balagora, Amsterdam, dam, Balagora, dam dam dam, Balagora, Amsterdam, dam, Balagora, dum dum dum dum. Solferino tango, la raga d'arnat d'arnat, la mourée des énémates, Bénéne et pas qui vieux, la jeunesse et la jeunesse, chaque en descendant s'accable, chercher la bonne aventure à l'océan. L'identité, l'identité c'est l'océan, nous te dans dans. Comme communisme n'est pour nous ni un État qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'État existant. Thank you. me retirer. Pas de ça, pas de ça. Écarté, plié, rond de son, tendu, plié. Demi-bras, seconde, on croit, fondu. Développe, demi-point, à la barrée. Un macron aromate, un foie gras en brioche, un écrevisse à la nage. Après, je joue aussi à rouge et grillé. Et après, je prends un poulet de Bresse à la française. Et une tête de... Non, une pièce de charolais. Une pièce de charolais d'abord et puis une tête de bœuf. Bonne sœur, on va le défroquer. C'était bien quand même tous les trois ensemble. Il te faisait rire comme j'aimais ça. Lui et toi, même quand vous voyez sans moi, quand j'étais partie, je prends trop de place. Même pour moi, je prends trop de place. Je voulais être une telle perfection pour toi. Je voulais être une telle perfection pour toi. Nulle part, je m'échappe pas, je bougerai pas jusqu'au lever du jour si tu me le demandes. Je voulais être sage pour qu'on m'aime, courageuse pour qu'on m'admire. J'ai sauté du toit pour papa. Je faisais les guets pour mon frère alors que je mourus de peur. Je regrette que tu m'aies pas vue lorsque j'étais enfant. J'étais violente aussi. J'ai cassé la tête de mon frère avec une pomme de pain. Je me suis cachée dans un arbre et je l'ai visé, car il se moquait de moi. J'ai même tué pour toi et je suis devenue un assassin. Je voulais être une telle perfection pour toi. Je voulais être une telle perfection pour toi. Je te regardais si fort dans le noir que tu aurais dû sursauter au milieu de tes rêves. Dors, tu m'emmerdes. Je te hais, tu m'as tué, tu en as tué d'autres. Les cadavres ne reviennent pas la nuit pour te soulever des paupières. Autrefois, je te faisais rire. Je voulais être celle que tu aimes le mieux. Non, je te réveillerai pas de ton sommeil égoïste pour te dire quoi. Morette, obéissante, voici, vous a envoyé un message. Que vous baissez ? Oui, non, peut-être ! Que vous baissez ? Oui, non, peut-être ! Non, je ne veux pas baiser. Une beurette, c'est bon pour les tartines. Conseil, mon ami, beurrez-vous la bine et mettez-vous là, dans l'oreille. Je ne veux pas de votre oseille. C'est simple, si le Maghreb vous fascine, achetez un plat à tagine. Bonne idée, un plat à tagine. Soumise, gros sein, à 2 km, vous a envoyé un message. Que vous baissez ? Oui, non, peut-être. Que vous baissez ? Oui, non, peut-être. Non, je ne veux pas baiser. Si vous êtes amateur d'antiquité, je peux vous céder à prix très bas. Un vaisselier en formica. Années 60, buffet, placard, une belle affaire. Vous pouvez me voir, vous y rangerez votre petite cuillère, vos poils de pu et vos deux soupières. Bonne idée, un vaisselier en formica. Étudiante, pour première sodomie, vous a envoyé un message. Que vous baissez ? Oui, non, peut-être ! Que vous baissez ? Oui, non, peut-être ! Non, je ne veux pas baiser. Votre demande est déplacée. Maman m'attend pour le 4 heures. Mais si vous appréciez la fraîcheur, plutôt qu'une toute jeune moule, payez-vous une machine à sorbet pour vous refroidir vos deux boules et vous les mettre sur le cornet. Ça ressemble à une mission. ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. Je suis entré en service opérationnel dans les laboratoires CARL de Verbana dans l'Illinois le 12 janvier de l'année 1992. Monsieur Langlais était mon instructeur. M'a appris à chanter une chanson. Voulez-vous l'entendre? Je peux vous la chanter. Oui, c'est ça, chante-la, Carl. Chante-la pour moi. Oui. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes. Trouble fait. Gâcheur de noces. Épouvantail d'abrubus, maître de chien, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, rongeurs de freins, de tout sexe, seigneurs de châteaux renversés, chair à dédale. Desquels j'ai hérité de tout et que dalle, tout, que dalle, tout, que dalle. De la rue X, si vous frappez à la porte, d'abord un coup, puis trois autres, en vous laissant entrer, seul et parfois même accompagné, une servante, sans vous dire un mot, vous précède. Des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent. Décorés de bronze baroque, d'anges dorés, d'Aphrodite, Zégue, Salomé. S'il est libre, dites que vous voulez la 44. C'est la chambre qui s'appelle ici de Cléopâtre, dans les colonnes du lit de style rococo. Sont des nègres portant des flambeaux. Entre ses esclaves, nus, taillés dans l'ébène, qui seront les témoins muets de cette scène. Tandis que là-haut, un miroir nous réfléchit. Lentement, j'enlace mélodie. Une réponse directe à une question ou à un argument, mais se dérobe au moyen d'une autre question ou d'une réponse indirecte, ou même essaie de détourner le débat, c'est la preuve évidente que nous avons touché un point faible de sa part, parfois sans le savoir. C'est une façon relative de se taire. Il faut donc insister sur le point où nous avons mis le doigt et ne pas laisser l'adversaire tranquille, même lorsque nous ne voyons pas encore en quoi consiste au juste la faiblesse que nous avons décelée. Thank you. dans le film Rambo. Au début, il y a Rambo qui se fait embêter par un flic. Alors que vraiment, Rambo, il a rien fait. Alors le flic, il commence à l'embêter comme ça. Sans raison. À part que peut-être il l'a trouvé sale avec ses habits de militaire du Vietnam. Mais Rambo, il se laisse pas faire. Même il a plutôt un caractère de cochon. Une vraie tête de con, le Rambo. En même temps, s'il avait débarqué avec une chemise propre et une bonne coupe de vache, il serait jamais fait emmerder, ça c'est sûr. C'est pour ça que moi, je prends pas parti dans cette histoire. Mais bon, s'il faut vraiment prendre parti, je suis à 200% avec Rambo. Ouais, enfin comme tout le monde, quoi. De la mer, biscuits trempés dans la crème solaire, cerf-volant, baptême de l'air, cerve-la sous les molaires, dans l'eau de mer. Sel de Guérande sur ma peau, caramel, loin de la saison des guirlandes de la cannelle, à l'écart des rouleurs de mécanique de camel, des camés, du pique-nique, je suis toute seule, amen. Le pied dans le sable et la houle m'inonde, le bonheur est dans le gouémont. Je m'en fous de savoir où est passé tout le monde, loin de la foule et ses démons. À deux doigts de péter un câble, je mets les deux pieds dans le sable. À deux doigts de péter un câble, je mets les deux pieds dans le sable. Thank you. garçon dont l'encéphale abritait trois oiseaux. Un merle, un épervier et un vautour. Le merle était joueur et charmeur. Quand il sortait faire un tour, il était admiré de tous et brillait en société. L'épervier, lui, était brave et courageux. Il inspirait le respect de par sa force et son assurance. Le vautour, quant à lui, attendait son heure patiemment. Un beau jour, le garçon rencontra une jeune fille dont il tomba éperdument amoureux. Il essaya par tous les moyens de conquérir son cœur. Malheureusement, bien loin d'être séduite par les chants enjôleurs de merle ou par les charmes d'épervier, elle n'avait Dieu que pour un autre. Le désir de lui plaire devint une obsession. L'amour se transforma en chagrin, le chagrin en rage, et un brouillard funèbre vint obscurcir son cœur. Le vautour en profita pour sortir de sa cachette. Un soir, sans lune, le prédateur prit son envol et se posa sur le balcon de la jeune fille. Par la fenêtre entrouverte, il pénétra sans bruit dans la chambre endormie. D'un coup de bec, d'un seul, il lui arracha les yeux qu'il ramena docilement dans la tête de son maître. Dorénavant, se disait-il, la jeune fille n'aurait Dieu que pour son cher maître. Mais ce qu'il ignorait alors, c'est que le garçon serait condamné à vivre avec ses deux yeux au regard froid, le fixant jusqu'au plus profond de ses songes, seul témoin de son abominable crime. Le pente, chérie, je la remonte quand je veux. Tu m'aimes en monarque des profondeurs, tu m'aimes. Tu m'aimes-tu? M'aimes-tu les jours? Je les remonte quand tu veux, quand tu veux, tu veux, tu veux, tu veux. Thank you. ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas. Et pourquoi ça les concerne? Parce que dès qu'il y a rêve de l'autre, il y a danger. À savoir que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant qui risque de nous engloutir. Et que les autres rêvent, c'est très dangereux. Et que le rêve est une terrible volonté de puissance. Et que chacun de nous est plus ou moins victime du rêve des autres. Méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. Bon. Ne soyez jamais pris dans le rêve de l'autre. Mardi 19. Le crétin qui tape avec le pied, qu'il arrête de taper avec le pied. Je suis d'accord, déjà, il hurle, la musique est affreuse, mais il tape, ça, c'est ça tape sur la tête. Des asticots. Oh, une exotique star. Je ne suis pas une énervée, je ne suis pas une compétie. Je passe mes journées à m'étirer en douce. Mais bon, la récréation est terminée. Lumière.